écoutons depuis toujours. Mais ça fait mal, oh oui si mal, le premier chagrin d'amour. Le premier chagrin d'amour. À cette fille sans rien dire, tu n'as pourtant fait que sourire. Mais ça fait mal, oh oui si mal, chagrin d'amour. Le premier chagrin d'amour. Un cœur d'enfant, quand on y pense, ça n'a pas d'importance. Ça fait sourire bien des parents que l'on ait du chagrin à 16 ans. Ça doit arriver un jour, me redit-on depuis toujours. Mais ça fait mal, oh oui si mal, le premier chagrin d'amour. Le premier chagrin d'amour. Par des chansons, par des paroles, les amis me consolent. Ils savent bien que le chagrin est moins lourd partagé en commun. Et comme le nuage passe et puis s'efface devant l'amour, il disparaît, mon premier chagrin d'amour. Il disparaît, mon premier chagrin d'amour.